नमस्ते। हाँ जब तो ताइमा ताइमा La vidéo. Oui, je regarde un petit peu les vidéos, quelques vidéos que tu as faites, un peu plus. Voilà. J'essaie de faire ce que tu m'avais suggéré de faire, tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est parce que ça se peut que je te demande de répéter certaines choses, Oui. mais donc tu dis que tu as écouté quelques vidéos et puis. Voilà. J'ai essayé de faire ce que tu m'as dit de faire, tu sais, alors, je ne sais pas comment formuler ça, mais à ce moment de me demander, je sais pas comment je fais, mais est-ce que à présent c'est là, tu sais? C'est un peu ça, parce que je te rappelle. Et quand je dis ça, je me rends compte que parfois la présence est un peu là, mais souvent elle n'est pas vraiment là. Les quoi? Elle n'est pas vraiment là. En tout cas, je la ressens pas. C'est-à-dire, je la ressens pas. Que mon regard est tourné vers l'extérieur, vers l'essence. Le ressenti, ou ouais, il est à l'extérieur, le regard est tourné vers l'extérieur. Il y a eu des moments où, par contre, en posant la question qui suis-je, ou en essayant de revenir à moi, je sentais comme un focus, c'est comme un entonnoir, comme si les énergies revenaient dans le cœur, c'est comme un focus, comme si il y a eu beaucoup de pas mal d'expériences ou de ressentis ou de choses. Après, je pense que là, pour le coup, ça ne me revient pas trop. Mais en voyant qu'on est finalement, j'étais quand même très connecté au monde. Extrêmement connecté au monde. Choses, objets. Vraiment, pas beaucoup en connaissance, quoi. C'est l'impression d'être un peu plus chez moi, hein. C'est clair, je sais pas. L'intérêt pour les perceptions, pour les pensées, pour le monde est très fort. C'est pour ça que les sages, depuis de nombreux temps, ont partagé que le désintérêt vers ces choses-là est conducteur à réaliser ce qui est plus comment dire subtil. Et puis plus que tu vas pratiquer, plus que tu vas changer le focus vers l'intérieur pour de plus en plus constater les mécanismes et les en toi, plus que tu vas réaliser à quel point on se fait mener par nos conditionnements, par des mécanismes, des patterns. C'est il y en a tellement des croyances qui font en sorte que sont qui nous limitent énormément. D'ailleurs, avant de Je lisais un petit des passages de Swami Annamalai. Ah oui, Annamalai, oui, j'aime beaucoup. J'arrive pas à mettre la main sur le bouquet de Ramana. Donc je vais sur le bouquet de Swami Annamalai. Bon, c'est très, très proche, évidemment. Oui, ça a été un de ses étudiants très proche, puis il était un maître de l'investigation de soi. Fait que moi, je t'encourage à fond d'aller dans cette lecture-là parce que moi, même moi, c'est une source d'inspiration pour moi aussi, Annamalai. D'ailleurs, il avait un ashram. Oui, ça coupe là. Non, il y a un ashram à Tiruvannamalai. Oui, il est mort, mais s'il est en vie, pour sûr, je serai allé visiter. Et dans un passage de Sylvie Sauvignamalai, il dit le problème, c'est que. Vous voyez être le petit moi, et il dit à une personne de se dire qu'il le soit, au lieu d'avoir les pensées vers le fait d'être le petit moi, les difficultés au niveau des pensées, mon mental est important, etc., etc., plutôt tourner le mental vers je suis le soi, en fait. Ouais, plutôt rien. Tant qu'à continuer d'être hypnotisé pour le passé, vaut mieux focuser sur les croyances qui sont plus divines. Et puis, suite à ça, ces croyances-là, ces mantras-là, peu importe, parce que Ramana, il disait à certaines personnes qui ne se sentaient pas disposées à faire l'investigation de soi, vous pouvez faire le mantra I am Brahman, I am the Absolute. Mais éventuellement, il disait qu'il faut que ça mène à la reconnaissance directe, parce que si c'est seulement une récitation et puis c'est une croyance, c'est dans la bonne direction, mais il faut que ça en vienne à la reconnaissance directe. Mais c'est beaucoup mieux au lieu de se laisser aller à penser à plein de trucs qui nous font être anxieux, à penser à ce qu'on va faire, à nos troubles, à nos problèmes qu'on doit régler, de focuser sur je suis I am that I am, je suis l'absolu, je suis celui qui est, je suis celui qui est. Et puis, de là, une concentration peut venir, puis ça va faciliter la reconnaissance que c'est cela. Ce n'est pas, on n'a pas besoin de le réciter. Dans cette tradition, par exemple, Nisigata Maharaj donnait un mantra. Parfois, Nisigata Maharaj donnait parfois un mantra, ou Ramana ne donnait pas de mantra, apparemment. Moi, dans le livre de David Goodman, en tout cas, je connais pas le titre en français, Be As You Are, il y a une partie à la fin qui en parle, mais il dit que il donnait ça en dernier recours seulement pour ceux qui avaient aucun intérêt vers l'investigation de soi et qui lui demandaient absolument des pratiques spirituelles. C'est seulement dans ces cas-là qu'il les donnait, et puis il faisait une mise en garde que c'est seulement en préparation à l'investigation de soi. C'est juste en préparation. D'accord. Oui. Nisigata Samara, c'est la même chose aussi. C'est uniquement pour purifier la souffrance psychique, pour devenir plus sattva, karasa, sattva et puis tamas, pour devenir plus sattva, pour pouvoir voilà, reconnaître plus sa véritable nature, plus de préparation. Mais pour moi, la méditation peut avoir quand même sa place. Il y a certains enseignants qui vont suggérer, avant de faire l'investigation de soi, de faire un peu de méditation pour porter son attention sur notre respiration, pour concentrer l'esprit, pour permettre de peut-être de plus aisément faire l'investigation de soi par la suite. Donc, Ça a sa place aussi, mais c'est juste si on restreint dans la méditation, c'est si on porte pas sur le focus sur qui médite, qui pratique, c'est qui veut même concentrer l'esprit. Qui veut, c'est quoi, c'est donc toutes les questions pour moi, ça amène à creuser, creuser, creuser. Et parce que je vois depuis mon expérience, depuis que j'ai commencé mon expérience de supporter des chercheurs, qu'il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges dans ce cheminement-là. Puis c'est de là que d'avoir un support peut vraiment éviter de s'égarer. Mais en même temps, c'est drôle parce que même si je peux vous partager les pièges qui ont été dans mon chemin, des fois, faut que vous ayez vos propres expériences de s'égarer pour que la souffrance vous donne la motivation de continuer. Puis pour moi, dans mon cheminement, ces moments-là d'égarement ont été extrêmement propices à ce que la volonté de complètement fusionner dans l'absolu grandissent et soit parce que c'est vraiment le désir d'aller à fond dans ce processus-là puis de laisser tous les obstacles de côté. C'est pour moi hein, ce que je vois dans les caractéristiques des chercheurs, un des éléments clés. Donc, la sincérité du désir d'aller profondément puis de laisser de côté tout ce qui est dans le chemin, mais il y a aussi que ce que Srinivasagata, le désir, c'est une partie, mais Srinivasagata, c'est pas, il était sérieux aussi. Le sérieux, d'être prêt à faire ce qu'il faut. Donc, de pratiquer, s'il y a des choses qui semblent qui interfèrent, d'être prêt à changer des choses qui peuvent faciliter ce processus-là. Mais ultimement, Ramana, il dit, pas besoin de changer ses circonstances de vie, il faut juste changer le focus. Et puis, naturellement, s'il y a des choses qui ont à s'en aller, ils vont s'en aller sans même que ça soit fait nécessairement. On réalise, ah, ben regarde, ça c'est parti, ah, c'est parti. Puis c'est même plus, c'est juste, on constate après coup que les choses nous quittent parce qu'on n'est plus impliqué. Il y a eu des moments, tu vois, là je l'ai un petit peu, où la sensation que entre moi, enfin, je parle pour moi si vous voulez, et l'extérieur, comme si ça faisait un tout vraiment, tu vois, vraiment comme si les choses, habituellement il y a un distinguo entre moi et l'extérieur, tu sais. Mais là c'est comme si vraiment ça devenait très fin, et c'est vraiment qu'une feuille de papier à cigarette, en fait, pour parler un peu d'image. Donc C'est vraiment. la frontière devient quasiment transparente. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc continue à investiguer pour voir si ça, cette expérience-là, si c'est une expérience, si ça c'est perçu, puis de continuer à creuser pour voir si ça aussi ça peut être, s'il y a encore un sujet et objet qui est, donc il faut continuer à creuser. Mais ces expériences-là, souvent, pour moi, ça démontre que justement, il y a un changement de focus, donc il y a des nouveaux changements de perspective. Donc ça démontre justement qu'il y a une pratique qui se fait. Donc c'est dans la bonne direction. Il y a eu un moment où ça serait presque le contraire, mais c'était, je trouvais, entre guillemets, intéressant. Parce que ça paraît presque le contraire de ce que je disais il y a quelques minutes tout à l'heure, c'est-à-dire que percevoir les choses extérieures comme lointaines. Tu Comment vois? quoi? Comme lointaines. Les choses extérieures comme lointaines, si tu veux. Tu vois? Lointaine, lointaine. Lointaines. Et puis, vraiment, tu vois, comme les voir de loin, tu vois, ouais. C'est rigolo. Tu vois, je veux dire de. Ouais, lointaines. Ouais. Dis quoi? Y a rien? Comment? Y a rien? Non, ben pour moi, les choses qui sont plus lointaines ou la frontière qui se devient plus transparent, c'est des différentes expériences. Donc, est-ce que je peux, mon invitation reste la même par rapport à l'expérience de la frontière qui devient transparente. Et ça, c'est de continuer à regarder est-ce que ça aussi s'est perçu. Et si oui, ben donner de l'attention à ce qui est antécédent, à ce qui permet la constatation. Et puis, quand le regard est sur ça, habituellement, c'est le calme absolu. Il n'y a pas grande description de ce qui se passe parce qu'il ne se passe rien. Et puis, c'est le repos d'expérience. Donc, il peut avoir, souvent les gens vont partager ça, c'est le repos absolu, c'est l'absence d'activité. C'est le vide. Et puis là, c'est le vide. Et puis là, je dis, est-ce que le vide est perçu? Je dis, ou c'est perçu? Là, je dis, mais par quoi? Non, il n'y a pas un quoi qui perçoit, mais c'est perçu. Là, je dis, OK, mais cette perception de ce qui est vide, faut la maintenir moment par moment. Parce que si la perception n'est pas sur le vide, et ils ultimement fond dans le vide de façon par défaut, ça va coller avec des expériences. Je sais pas si ça fait du sens. Je n'ai pas saisi ce que tu as voulu dire. Je n'ai pas saisi ce que tu veux dire. Le soi. Le constat du soi ne se fait pas par quoi que ce soit. C'est juste un constat. Et puis, il faut rester dans le constat moment par moment. Le soi est pas un objet. Donc, même de dire le constat de quelque chose qui a pas de forme, sans forme, c'est juste une invitation à d'être dans ce regard qui est indescriptible, qui est pas, c'est juste des invitations de contemplation. Et puis faut rester dans cette contemplation-là, puis là ça peut. Et puis là même le monde, la perception du monde, ça reste, mais c'est juste une image en cela. Parce que le monde, c'est relatif à un point de vue de soi. Mais quand on cesse de donner de l'attention au soi, puis on essaie de trouver la source, puis le soi momentanément disparaît, mais il n'y a même plus besoin de donner d'attention au monde parce que le monde n'est pas en dehors de soi. Mais ça, là, je te vois que tu essaies d'analyser. Puis, quand tu vas. C'est ça. Donc, moi, je partage certains trucs. Puis, c'est comme accompagnateur de ton expérience. Puis là, tu peux voir un peu comparer par rapport à ton expérience, mais ce n'est pas à analyser. Quand ça va, il va y avoir des moments que ça va se produire, là, tu vas pouvoir dire, hey, ce que tu disais la dernière fois, ben, peut-être, regarde, ça correspond à mon expérience. Puis là, à ce moment-là, parce qu'on peut essayer de faire du sens de ça, mais en fait, ça fait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Oui. Puis même moi, dès qu'essaie de décrire ça, c'est seulement dans le but de faciliter à ce que ça soit reconnu en toi, mais c'est même insensé d'essayer de décrire ça parce que c'est. En fait, le silence, c'est pour ça que je dis que Ramana, quand tu restes silencieux, il y a beaucoup moins de chances de te mettre dans les pieds dans des explications qui sont tellement limitées de ce qui est indescriptible. Justement, par rapport au silence, soit par rapport au livre de Swami Annamalai, il parle d'un son, je pense que c'est en tête ce passage-là, d'un son qui n'est pas un son, qui n'est pas audible. À un moment, on vient, même s'il fonctionne et qu'il faut dépasser ça, hein, pour moi, c'est une étape. Chose qui m'interpelle pas mal. Je ne l'ai pas vécu, je ne dis pas. Ce n'est que parfois, il y a eu cette nuit où j'ai eu du mal à dormir et puis des moments, c'est pas du tout un son, mais je, c'est comme si ça focalisait, un focus à répéter je. Vraiment, c'est condensé, concentré. C'est comme si à ce moment-là, il y avait vraiment que. J'ai eu ça plusieurs fois. Focus vraiment très fort, comme si l'énergie se compactait et qu'il n'y avait que jusqu'au centre, bien qu'il se répète. C'est bien, je pense, de répéter je comme ça. C'est Robert Adams y parlait que les Occidentaux, plutôt que I am that I am, de répéter le je, ça revient au sujet, ça revient au sujet. Tandis que sinon, de façon automatique, ça comme on se perd tellement facilement dans le contenu, donc ça focalise la direction vers cela. Donc, ouais, pour moi, de répéter je comme ça, c'est bien. Et puis, momentanément, même le je peut cesser, puis il y a comme juste une reconnaissance. Puis là, tu peux mettre le je de côté, puis juste demeurer en toi, demeurer dans le je non personnel. C'est un je universel, non personnel, non localisable, sans forme. C'est juste le je existe. Existentiel. On sait qu'on existe. On peut reconnaître qu'on existe, mais on n'a pas besoin de penser. Donc, le je qui est dit, qui est une pensée, qui est c'est juste un ancrage complètement pour revenir à ça puis pas s'égarer. Donc, c'est bien. Je pense même que le je, si ça fonctionne pour toi, c'est encore mieux que I am that I, je suis celui qui est. Si tu peux juste répéter je, puis ça te facilite, ça te permet de revenir au sujet, je pense que c'est une bonne pratique. Ça se fait naturellement, hein. C'est très concentré, très condensé, ça se fait souvent au milieu du crâne, ça se fait au milieu du crâne, si ça devait localiser, ça te met là, et c'est vraiment, presque un battement, si tu veux, tu vois, c'est, OK. Quand tu es concentré ici, quand tu vas être concentré ici, puis tu peux voir qu'est-ce qui perçoit la localisation ici. Puis tu peux continuer, tu peux creuser un petit peu plus profond pour voir si ça aussi même, il y a un genre de centre énergétique du je qui peut être là, ou même ça peut changer, peu importe l'individu, et de voir qu'est-ce qui perçoit même ça. Mais et au début, de faire le je, plutôt qu'essayer d'aller directement à qu'est-ce qui perçoit ça qui est très subtil. Parce que sinon, tu perds énormément de faire le je pour concentrer. Ça peut être plus. Comment dire? Ça peut plus fonctionner parce que tu as permis de concentrer pour creuser plus par la suite. donc le prendre uniquement comme un départ pour après aller plus loin en fait. Voilà. Faut que tu creuses jusqu'à temps que toute séparation disparaisse. Je veux dire, le corps est encore là, mais il n'y a pas de relation avec le corps. Il ne reste plus de relation avec le corps. Donc, je veux dire, tu peux voir qu'il y a encore quelque chose qui est intéressé dans les phénomènes dans le corps. Puis tu vois, OK, qu'est-ce qui est intéressé? Qu'est-ce qui perçoit ça? Cet investissement dans le corps, cet intérêt dans le corps, c'est quelque chose qu'on a eu toute notre vie, puis c'est fort, c'est vraiment fort. Mais ça n'a pas besoin d'être combattu, ça n'a pas besoin d'être vaincu, mais on l'utilise, on l'utilise. On voit notre intérêt intense autant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, un nouveau phénomène, parce que à travers ça, avec la concentration, tu peux avoir des expériences spirituelles assez agréable, mais pas nécessairement seulement que désagréable. C'est la raison pour laquelle ça va te donner la motivation aussi de transcender toute expérience pour aller à fond parce que tu m'as partagé plusieurs expériences, mais je t'ai pas entendu parler trop de choses difficiles. Mais ça peut venir aussi. Ouais, pour moi-même, habituellement, c'est un des éléments très, très importants du cheminement de la majorité des gens que j'accompagne. Cette nuit où j'ai eu du mal à dormir, je me suis réveillé je me suis réveillé vers 5 heures du matin. Donc il y a une fonction de passer. Il y a des moments ça se localise au niveau du corps, si tu veux. En fait, souvent, ça se localise à différents endroits au niveau du corps. C'est comme si ça touchait le corps, si tu veux. Mais après, ça partait sur quelque chose de non localisable. Comme si de pointer à fond dans le corps, d'aller à fond, si tu veux. Ça localisait sur l'opposé, c'est-à-dire la non-localisation, si tu veux. Comme si le corps était vraiment, l'image que je peux dire, si tu veux, c'est comme un avion, qui a la piste de décollage, mais il va sur le tarmac, et puis d'un coup, grâce au tarmac, il décolle, si tu veux. C'est une image, hein. Vraiment une image, mais, tu vois, les points d'ancrage du corps étaient un moyen de partir sur des choses comme si le corps lui-même renvoyait au soi, finalement. Ben le corps est dans le soi et permet la reconnaissance du soi. Donc c'est un véhicule. On a une grande opportunité en tant qu'humain de pouvoir être conscient d'être conscient. C'est vraiment une opportunité en or. Donc, ça va bien venir un jour à l'aide, bien te voir. Mais t'es le bienvenu, t'es le bienvenu. Je reste d'être ici pour les 2 prochaines années. Sinon, qui sait, un jour peut-être que des événements pourront s'organiser en France. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de l'organisme Être Présence. Et puis, j'ai rencontré dernièrement l'organisateur, puis il m'a dit qu'il pouvait peut-être être intéressé à ce qu'on organise quelque chose, mais qui sait qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais. Moi, je peux t'organiser en tout cas, je peux t'organiser aussi en tout cas en France aussi. Ben, je suis ouvert, ça va, c'est sûr que c'est. Je l'ai déjà fait. T'as déjà fait des événements? T'as déjà fait organisé des événements? J'ai pas la logistique d'être présent, hein, parce que ils s'en sont pas arrivés, etc. Mais j'ai déjà fait venir des enseignants à Moulin. Je suis ouvert, c'est juste que moi, présentement, j'ai un visa en Inde, puis j'ai comme seulement 2 allées, un aller-retour permis, je pense, une entrée double. Donc, c'est sûr que j'ai pas tant la flexibilité parce que ma copine, elle est russe et puis on attend de pouvoir éventuellement immigrer au Canada. Mais je suis ouvert à différentes possibilités. Mais entre-temps, on a Skype, fait que si. Je suis accessible. C'est déjà beaucoup, c'est déjà. As-tu vu mon dernier vidéo que j'ai mis le lendemain de quand on s'est parlé sur Dieu et soi? Oui, où tu parles de ta mère, c'est ça? Ah, je vais pas regarder lundi parce que j'ai pas eu le temps. J'ai dû regarder une trentaine de minutes, peut-être. Quarantaine de minutes, je sais pas trop. C'est très radical, hein. Très, très radical. J'en parlais à mon ami, j'en parlais à Muriel. C'est amusant parce que j'ai déjà côtoyé d'autres enseignants de qualité, hein, aussi, quand même. Des gens vraiment de qualité, quand même. Faut quand même être honnête, hein, j'ai eu beaucoup de chance. Ou je me suis créé la chance, je sais pas. Mais je dis, à mon avis, tu es vraiment le plus du positionnement de Ramana, tu es vraiment le plus proche que j'ai rencontré, à mon avis. Hein. Je vais pas trop mettre des étalonnages parce que c'est un côté très subjectif, puis c'est un côté comparaison qui n'est pas forcément très heureux. Il y a un côté très radical. Ah oui, En fait, c'est vraiment. C'est vraiment un des plus proches de ce qu'enseignait Ramana que j'ai pu rencontrer, vraiment. Ouais, je suis d'accord, je suis radical parce que je comprenais pas le message. Je fais pas ces partages-là pour attirer un grand nombre. Pour moi, c'est plutôt de, si c'est, je vois qu'il y a des gens qui sont dans un cheminement depuis beaucoup, beaucoup d'années, des fois, qui sont pris dans des pièges. Et puis, je cloue sur ces points-là qui, pour moi, sont clés. Et puis, comment dire, j'expose pour moi ce que je vois, les pièges que dans, je vois plein de monde sont pris dedans et puis ça peut être dérangeant pour plusieurs. Et puis, mais c'est le style qui vient. Il n'y a pas d'une recherche d'être. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. oui. Ouais, j'entends, c'est très, oui, c'est moins racoleur que enseignements qui sont plus, un peu plus light, ou plus, il y a plus de compromis. Il n'y a pas de compromis, ah ouais, vraiment pas de compromis, c'est très, ouais, c'est là que je comprends mieux l'enseignement. Je comprends mieux l'enseignement de Ramana en t'écoutant finalement. Pour moi, la vérité, elle est complète ou elle est absente. Il y a pas de zone grise, de partielle vérité. C'est ou bien elle est complète ou elle n'est pas. Donc, il y en a qui parlent de plus de détachement. Moi, je parle chaque moment, il y a identification ou il y a pas d'identification. Je mets pas de zone grise. Puis c'est ça que Ramana a partagé aussi. Puis de ma propre expérience, puis en lisant Ramana, je suis capable de vraiment reconnaître des points saillants dans que qui sont vus. C'est ou bien il y a le jeu est dissous, ou bien il y en a un. Puis dès qu'on est intéressé par des histoires, on se parle, c'est pour moi, je vois l'identification qui revient. C'est pour ça que je dis c'est une dédication complète de la Ramana. Les gens qui attiraient autour de lui, c'était des renonçants, c'était des gens qui allaient à fond là-dedans. Là. C'était pas, même s'il y en avait d'autres qui n'étaient pas prêts à incorporer ça complètement, mais c'est ça avant tout, c'est de renoncer à l'identification du mental. Puis ça veut dire, il y a bien des, ça peut créer, ça peut Quand notre intérêt vers le monde s'en va, ça peut. C'est radical. C'est radical. C'est vrai que justement, c'est ça, c'est qu'autour de Ramana, dans ces vrais disciples, entre guillemets, il y avait des gens qui passaient l'ashram, il y avait un peu tout qui passait. C'était vraiment des renonçants. C'est clair, c'était des sadhus, c'était des renonçants, c'était des swamis. C'est vraiment des renonçants. Le truc, après, comment? Là, c'est plus la lignée, peut-être, de Nisargadatta Maharaj. Comment après c'est pour réussir à le vivre dans le quotidien et dans la vie. Parce que autour de Ramallah, c'était des swamis, c'était tous des swamis, tous. Après, il faut. Est-ce qu'on peut le vivre en même temps qu'on a une vie active, moi qui suis un peu tête brûlée pourtant, je me demande, tu vois la question, je me demande est-ce que Ben c'est possible, mais c'est éventuellement si on est on est tout le temps en train de courir à droite puis à gauche. Pour moi, je vais questionner qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas vu de plus profond parce que qu'est-ce qui te fait courir à droite puis à gauche, tout le temps être actif puis en train de faire plein de trucs. Je veux dire, ça a sa place aussi, mais naturellement. La compulsion à l'activité, quand on se découvre le silence absolu, je vois qu'il y a une tendance à ce que ce conditionnement-là de tout le temps bouger, que ça, avec le temps, que ça brûle. Pour moi, je vois que c'est vraiment. Qu'est-ce qui mène les gens à être si occupés comme ça? C'est vers quoi qu'ils courent? Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Ah oui, ça, je sais pas, je. Plus d'expérience, plus d'expérience. C'est pas pour rien que Ramana qui a eu que le soi a coulé si rapidement, que l'identité a coulé si rapidement, qu'il restait sur la montagne et qu'il n'avait plus besoin de faire quoi que ce soit. Pour moi, c'est un exemple, mais ça n'a pas besoin d'être. Ça a pas besoin. Je veux dire, c'est juste un exemple d'à quel point l'identité peut, puis les conditionnements peuvent avoir brûlé. Mais ça ne veut pas dire que son enseignement-là n'est pas applicable pour les gens qui ont des responsabilités, qui ne sont pas prêts à aller nécessairement d'intégrer ça à toute allure comme d'autres. Mais ça. Pour moi, la compulsion à l'activité, si ça ne diminue pas, il y a un questionnement que la profondeur de ce que je parle n'a pas été vue. Et qu'est-ce que tu penses, par l'exemple, le maître de Nisargadatta Maharaj, de Rajiv Maharaj, là, si tu connais un peu l'histoire, ils avaient envoyé à travers l'Inde avec une robe, un swami, hein, qui avait obligé de mendier pendant plusieurs mois. Et après, quand ils sont revenus, ils leur ont dit de laisser leur robe, de tout laisser. Maintenant, il leur a dit, maintenant, vous devez renoncer au renoncement. Il dit, maintenant, c'est bien, vous allez reprendre votre vie, c'est de reprendre un mariage, machin, tout ce qu'il devait faire, hein. Parce qu'un tamarrage a repris sa boutique de vente de cigarettes. C'est-à-dire, vous devez renoncer au renoncement. Comment tu vois ça? Faut renoncer aux pensées, faut renoncer au corps. Faut renoncer à notre relation, à l'identification avec ces trucs-là, mais les circonstances extérieures, ça a pas d'importance. On peut jouer avec les circonstances extérieures pour dévoiler les angles morts qu'on n'a pas vus. Donc, on peut changer les circonstances de notre vie pour voir qu'est-ce qui remonte à la surface, puis ça va faciliter de voir des identifications qui restent en soi. Donc, ça a sa place de jouer un peu avec. Parce que moi, je suis quasiment devenu moine bouddhiste. Fait que avant de découvrir cet enseignement-là, j'étais dans la voie du renoncement, mais c'était des renoncements extérieurs. Mais la face, c'est la relation. Il y en a des moines qui renoncent au sexe, mais ils sont complètement attachés au sexe, puis ils ont des rêves, ils sont érotiques, puis ils ont plein de désirs, puis ils sont attachés à leurs désirs. Donc, c'est de modifier les choses à l'extérieur, c'est pas ça qui mène à la cessation des attachements. Pour moi, je dis que tu sais, il y a les quatre vérités, nobles vérités. La première, c'est il y a souffrance, la source des souffrances est le désir. Mais moi, je dis que même les désirs, c'est l'attachement au désir, l'identification au désir. François a toujours des désirs. Mais les désirs sont sont qu'une vague et ne m'affectent pas. Par ce continuel repos en moi, ces désirs-là, peu importe s'ils sont mènent vers à ce qu'ils soient comblés ou non, peu importe, je suis l'océan à tout moment et peu importe la vague du moment, ça n'a aucune impact sur moi. Donc, il y a encore des conditionnements que François a, mais plus rien ne me touche. Donc, il n'y a plus rien à faire. Le continuel repos en soi s'occupe de tout, de ce qui n'a pas à s'occuper parce que tout n'est que vague et l'océan, c'est rien. Donc, tout se déploie de façon sans effort, spontané, sans laisser de traces. Et puis, dès qu'on commence à être intéressé par les vagues, on oublie qu'on est l'océan. C'est pour ça que je dis faut être complètement prêt à laisser les vagues de côté puis de focusser sur l'océan. Ça demande d'arrêter de jouer avec le monde. Au début, cette renonciation au monde-là peut faciliter d'aller à fond dans cette introspection intérieure, peut être un facilitateur, mais si on pense que c'est nécessaire, ça peut être aussi un obstacle, puis ça peut créer des obstacles. Fait que moi, des fois, j'entends certains enseignants qui imposent énormément de règles, puis moi, je dis, ça peut faciliter, mais après ça, si tu en es dépendant, c'est pas la vraie liberté, parce que la liberté n'a pas de condition, n'a aucune condition. Et toi aujourd'hui, pas toi François, mais cette conscience-là de l'océan, on va dire, de cette profondeur-là, elle est tout le temps perçue, enfin perçue. Elle est tout le temps là, ou est-ce qu'il y a des moments où c'est oublié? Question discrète peut-être, mais excusez-moi. Le rappel ou l'oubli se fait au niveau de la vague. Donc, peu importe, je veux dire, quand la vague qui est le corps qui a le mental qui a l'attention utilise cette habilité-là de retourner l'attention vers la source de tout cela. Il n'y a même plus le constat, ça fait même plus de sens. Même le constat de dire la conscience qui est consciente de soi-même, pour moi, même, c'est trop de concepts. C'est trop de même. Comment est-ce que ce qui est sans séparation peut être conscient que c'est sans séparation? Ça n'a pas besoin de constat. Qui a besoin de constat, c'est qui se pense séparé, qui veut réaliser, c'est juste pour permettre à ce que cette ignorance-là s'en aille. Et puis quand cette ignorance-là s'en va, l'absolu, qui était toujours absolu, est juste pas couvert d'ignorance, c'est tout. Donc, pour moi, même de parler d'un moment ou qu'un oubli, il y a des moments où l'attention semble intéressée par des événements, des trucs. Puis quand l'attention va un petit peu plus vers là, puis qu'il y a un inconfort qui peut venir momentané, par la vigilance devient plus forte, puis même ce moment-là, qui semble être un petit problème qui s'en vient, il y a du trouble qui s'en vient, c'est comme si ça ne se passe pas. Parce que le trouble ou l'inconfort momentané vient c'est de l'ignorance, c'est pas moi. Parce que moi, je veux dire, je partage La raison principale pour laquelle ces partages se font, c'est qu'il y a de la joie de le faire. Je ne le fais pas par obligation, je ne le fais pas parce que je sens que les gens en ont besoin. Les gens me contactent, hein, j'aimerais savoir du support. Je le fais par joie avant tout. Et puis, pour moi, une des façons pour que ça soit joyeux, c'est pas de compromettre le message. Si je commence à essayer de compromettre le message pour le rendre accessible, ça va plus être joyeux. Et puis, c'est la raison principale. C'est sûr que aussi, je veux rendre ça accessible. Et puis, il y a eu tellement de soulagement de cette découverte que je le souhaite à le plus de monde possible, définitivement. Mais je vais pas le rendre beau ou dire les choses autrement que c'en est. Je vais travailler avec ceux qui sentent de la résonance avec ça, puis même si c'est un petit nombre, ça sera un petit nombre. Mais tu connais-tu Robert Adams? Robert Adams. Alors, je le connais indirectement par comment il s'appelle, par un Canadien. Il est décédé, Robert Adams. Il est décédé, oui. C'était un. Oui. Ouais. Je vois son visage. Je le connais par quelqu'un de très intéressant, un Canadien qui a écrit des choses. Tu vois lequel je veux dire? J'ai plus le nom. Il s'appelle je sais pas comment ça s'appelle. J'ai eu des écrits de lui très très intéressants. Mais bon, en fait. Je connais. Il y a rien de vraiment traduit de lui en français, de Robert Adams. Donc, Parce que toi, en Annamalai, c'est en français ce que tu lis là présentement. oui, ah oui, en ce moment-là, il y a plus de lui en français. Ouais. De Robert Adams, à ma connaissance, c'est rien. Je sais qu'il a reçu des deux lignées. Il a reçu la lignée de Ramallah et la lignée de Nisqat Amarach. Je sais qu'il a reçu des deux lignées. Ça, je le sais. Mais il a Je passé vois son visage. six mois avec Srinivasagadatta et 3 ans avec Ramana. Son enseignement est plus en harmonie avec Ramana que Srinivasagadatta. Il disait que lui, par rapport à son expérience, Srinivasagadatta est un peu. Il disait. Pas très poli. Et puis, Oui. pour lui, il y a une meilleure expérience d'être avec Ramana, puis il est resté 3 ans avec lui. Mais il est allé avec plein, plein, plein d'enseignants. Mais pour moi, c'est une référence, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas en français. Mais de toute façon, la façon que je partage il y a quand même beaucoup de ressemblances. Parce que pour moi, avec Ramana, c'est une des deux sources présentement que quand les gens ont des intérêts d'être exposés à d'autres enseignants, j'ai référé à ces deux-là. Annamalai aussi. Tout ce que j'ai lu, lui, Oui. m'enchante. Alors, il y a un écrit qui est très très intéressant, peut-être que tu lis plus trop, mais qui est vraiment intéressant, de quelqu'un qui a travaillé avec un disciple de Robert Adams, où c'est comme d'un journal, alors, ça s'appelle Autobiographie d'un jeune ami. Tu connais? Excellent, hein? Excellent, moi j'ai beaucoup aimé. Ah, Ça m'a beaucoup touché. et pour moi, Robert, c'est un exemple parce que je vois qu'il est comme ça. Ce que tu trouves te dit, je suis très catégorique. Pour moi, c'est un exemple de ça. Il créait des scandales dans sa communauté pour éviter que les gens pas sérieux, ils restaient pas. Il disait qu'il voulait 5 étudiants sérieux. Il n'était pas intéressé dans le rôle d'enseignant. Il était complètement pas impliqué dans le rôle d'enseignant. Et puis, la raison pour laquelle il partageait, c'est qu'il a eu le Parkinson. Et puis, il pouvait plus travailler. Donc, il a jamais eu l'intention d'être enseignant. C'est même un peu à l'encontre de sa volonté. C'est juste, c'est arrivé un peu à cause. La vie a fait ça en sorte. Mais pour moi, il est un exemple la non-implication dans le rôle d'enseignant, parce que pour moi, je vois beaucoup maintenant avec mon expérience de partager, je vois plus clairement des choses que pour moi qui sont un peu que des questionnements par rapport à des enseignants, avec la dévotion que pour moi qui est malsaine. Parce que pour moi, je dis, je suis pas un enseignant. Je suis pas un enseignant, je suis rien. Je suis juste, au plus, je peux être un guide, mais je vous pointe dans ce qui est déjà, qui n'a pas besoin de guide, là. J'apprécie beaucoup dans les vidéos puis dans la rencontre la simplicité. Et ça fait beaucoup beaucoup de bien. Parce que tu te positionnes pas au-dessus. La vérité est simple. Le rechercheur de vérité est complexe. La vérité est simple, mais de la mettre en application, ça demande beaucoup d'efforts puis d'être engagé complètement. C'est de la mise en application qui est difficile. Puis le mental aime mieux ça, des chemins spirituels un petit peu plus complexes parce que il n'y a pas à pratiquer. Moi, je mets l'accent tellement sur la pratique, pratique, pratique, pratique, parce que j'ai vu, pour moi, c'est vraiment la clé. Puis, si les gens, s'ils ne sont pas prêts à pratiquer, ben, ils vont pas nécessairement trop. Ils vont s'ennuyer rapidement à écouter mes satsangs. Pour moi, ce que j'aimais beaucoup d'écouter les satsangs de Muji, mon enseignant, c'était qu'il dégageait cette présence-là. Puis, pour moi, j'arrivais à aussi être dans cette présence-là. Pendant que je les écoutais, donc j'avais pas besoin d'entendre tant des gymnastiques spirituelles de ce qu'ils disaient. Pour moi, c'était juste des rappels. Et pour moi, c'est ce que je fais. Je rappelle de pratiquer, de comment bien pratiquer, de rester en soi. C'est ça qui est. Pour moi, c'est important la simplicité. Du coup, j'ai fait hier ou avant-hier, parce qu'en fait, les vidéos de Moji, j'en ai quasiment jamais regardé. Pour différentes raisons, on m'a pas. Hier, j'en ai regardé une. Je n'ai pas trop ce qu'il disait. C'était la vibration, et à ce moment-là, il servir de l'énergie qu'il y avait ou de l'atmosphère qu'il y avait pour faciliter l'investigation et le retour. Tu vois? Par contre, il y a seulement un enseignant, si tu veux, comme ils mettent pas l'énergie sur la pratique, de petits points, il n'y a rien à faire, et parfois récupérer. Et ça rend dépendant de l'enseignant, parce que finalement, comme rien à faire est tellement mal dit ou mal entendu, je sais pas, les gens finalement sont dépendants de la présence de l'enseignant, parce qu'en dehors de ça, il se passe rien. C'est pour ça que je l'écoute peu, Moji. Je l'écoute à peine. Même s'il parle de faire l'investigation, à d'autres moments, il dit peut-être qu'il n'y a pas d'effort ou d'autres choses. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui fait de l'effort intellectuel, puis c'est du mauvais effort, c'est pas de la bonne façon, ça peut être de dire lâche l'effort, ça peut être bon dans son cas peut-être. Mais dans la majorité des gens, j'y pratique, je mets de l'effort, mais si l'effort n'est pas fait de la bonne façon, de dire à quelqu'un, arrête pendant un moment, cesse tout et juste constate ce qui est là. Arrête tout effort pour un moment, arrête d'arriver en quelque part, puis là, je fais juste voir qu'est-ce qui reste. Je pourrais dire ça à quelqu'un parce que des fois, on dirait que les gens, ils essaient trop intellectuellement d'incorporer cette pratique-là. Donc, ça a sa place aussi, mais même quand je vais dire ça, il n'y a pas d'effort, je vais dire, ben ça, je dis ça à toi. Mais pour les autres à la maison, pour la majorité des gens, je dis, il y a de l'effort. L'effort, le paradoxe, c'est que ça prend de l'effort pour réaliser ce qui est au-delà de l'effort. Notre réelle essence, c'est sans effort, mais on est tellement hypnotisé par le mental que ça demande de l'effort pour mettre ça de côté momentanément pour revenir dans l'espace qui est sans effort, mais par habitude, on sort de ça et puis c'est ça la pratique. Je parle du non-effort pour distinguer notre réelle essence du mental parce que notre réelle essence, elle est. Ça n'a pas besoin de faire. Ce qu'on fait, en fait, c'est Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait? Ben, c'est la question. C'est la question, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui même médite? Qu'est-ce qui veut reposer en soi? C'est quelque chose qu'on fait, qu'on pose la question. Une réorientation du focus parce que ce focus-là, automatiquement, il va vers le contenu. Et puis, c'est sans effort que c'est pris là-dessus. L'identification, on n'a pas besoin de faire de l'effort, elle se fait. C'est comme un mécanisme. Puis comme mais cette habitude-là de revenir vers soi, initialement, c'est de l'effort, mais maintenant, pour moi, c'est plus un effort. Pour moi, l'effort, c'est d'être identifié en tant que personne, puis d'être tellement d'efforts d'être une personne, d'avoir besoin de faire des trucs, c'est tellement d'efforts d'être une personne, d'être notre réelle essence, c'est sans effort. Mais il y a de l'effort pour laisser de côté ce qui est faux. Puis une fois qu'on réside là, c'est sans effort. Puis pour moi, c'est rendu automatique. Ça a été un effort puis un combat mais ça menait ultimement à des moments sans effort. C'est la première fois depuis que je faisais la méditation que ça venait vraiment du sans effort. Parce que autrement, quand je faisais mes techniques de méditation, c'est tout le temps en train d'essayer d'être en paix, essayer d'être en paix, essayer de mettre le calme dans les pensées. Ça restait du contrôle. Le contrôleur restait continuellement dans ces trucs-là. J'avais peut-être des petits moments de paix. Mais c'est comme ça restait pas bien ben longtemps, il fallait que je m'y remette, il fallait que je continue. Tandis que ça c'était beaucoup plus naturel, tellement plus naturel. Tu vas y arriver à ça. J'espère tu vas y arriver. Fallait que je passe, oui, ces expériences-là aussi, fallait que je les aille pour me motiver à cette subtilité-là parce que c'est tellement. Ils appellent ça le secret, le secret le plus accessible. Qui appelle ça? Ça? Mais il y a un livre qui s'appelle The Open Secret Ah ouais, de personne. Person, ouais. Pour moi, ce n'est pas un enseignant que je recommande, là, mais le titre de son livre, ça pointe dans la direction de la conscience. C'est ce qui est le plus intime et immédiat. Mais on est hypnotisé par le contenu, puis ça passe inaperçu. Oui, et de voir que finalement, le regard habituellement, il est quasiment tout le temps tourné vers les choses, tu vois, c'est toujours tout le temps tourné. Ouais, mais c'est. Par contre, j'ai senti plusieurs fois, il en parle, le disciple là, de Robert Adams, c'est l'autobiographie de Jnani, je sais pas. Il y a eu des moments où j'ai la sensation que cette présence même me rentrait dans le ventre, tu sais. T'as connu que ça reste là. À ce moment-là, ça devenait très profond, ou dans le cœur, ou dans le ventre, tu sais. On pouvait le localiser, tu veux. Et que, la tradition chrétienne, on dit que Dieu doit même rentrer dans les entrailles. Doit même, rentrer dans les entrailles. J'aime bien que tout ça, c'est que des mots. C'est que des mots et que c'est encore un truc qui est à l'extérieur et qui n'est pas encore plongé dans le. Qui n'a pas encore vu la vérité, si tu veux. Tu es la vérité. Que le Saint-Antoine. Oh, mais c'est ça, pour moi, principalement, mon rôle, si on veut m'en donner un, c'est de rappeler puis de revenir à la simplicité Mais Robert Adam, il dit de faire l'investigation de soi et d'être patient. Et puis, c'est l'investigation de soi qui est continue, qui est faite de façon sincère et avec la volonté de se dissoudre en fait, parce que c'est l'ego, c'est la mort de l'ego, mais à chaque moment, c'est pour ça que je parle, à chaque moment, c'est la possibilité d'utiliser notre séparation pour dissoudre complètement dans ce qui est sans séparation. Et puis, cette volonté-là de lâcher le contrôle, pour moi, elle est venue, elle a grandi avec le temps. Venant de la souffrance qui me donnait la motivation d'aller à fond dans ce processus-là et parce que j'ai eu l'expérience. J'ai eu l'expérience de constater cette présence-là. Et puis ça me fait juste me rappeler chez moi à chaque fois que je me perdais. C'est comme l'exemple dans la Bible du jeune prodige qui s'en va à loin de son père, et puis quand il revient, son père est tout le temps là. Mais en fait, l'impression de partir de la maison, c'est juste une impression. On n'est jamais en dehors de soi. C'est juste une impression qu'on s'en va de chez soi, mais c'est juste une impression. On est toujours en soi. Toujours. Ah, c'est une bouffée d'oxygène, hein. Et je voulais te poser une question, justement, par rapport au disciple de Robert Adams, d'un autobiographie d'un jeune ami, tu sais. Bon, j'ai fait photocopier parce que, après, ça a disparu, du site français, donc on l'a plus. Heureusement, j'ai l'intention de le faire à imprimer. Il parle que finalement, il y a deux nœuds principaux. Il y a un nœud au niveau du coronal, ou je sais plus trop. C'est un premier, on va dire, premier réveil. Après, il y en a un second au niveau du cœur. Deux nœuds qui se défont. Pas là, ou tu as lu ça. Non, j'ai pas lu ça. Pour moi, je me tiens un peu éloigné des trop descriptions, des analyses, des différents états d'éveil parce qu'on. Pour moi, on focus sur faire l'investigation de soi plutôt que d'essayer de trop d'analyser parce que c'est juste plus de nourriture pour les pensées. Pour moi, j'aime bien comment Srinivasa en parle. C'est que éventuellement, tu deviens le témoin. Puis éventuellement, Oui. le témoin aussi fond. Il n'y a plus de séparation. Moi, j'aime mieux. Pour moi, ça, c'est plus simple. Fait que ça me convient mieux que, je sais pas, même de localiser ça dans un endroit du corps parce que ça t'amène plus à essayer d'analyser. Puis pour moi, c'est. Puis même, je peux même pas, si j'avais eu cette expérience-là, je pourrais. C'est difficile même d'essayer de revenir au passé, de voir un peu le cheminement. Pour moi, à chaque moment, c'est une opportunité de donner notre attention à ce qui est au-delà de la séparation. Donc, quand on commence à trop analyser est-ce que je suis où dans tout ça, est-ce que je suis au bon endroit, pour moi, ça peut amener à de la confusion. Puis, j'essaie de pas focusser là-dessus. Plutôt de pratiquer, puis de voir, de comparer. Puis là, je peux dire, OK, ben, qu'est-ce qui perçoit ça, qu'est-ce qui perçoit ça? Localisation au niveau du corps, c'est vraiment un truc, c'est presque une toque. Tu connais le toque, Le toc. ouais, c'est une toque. Trouble obsessionnel compulsif. Le quoi? Trouble, toc, ça veut dire c'est TOC. Trouble obsessionnel compulsif. Et c'est pas. Compulsion, comme la compulsion alimentaire, des trucs comme ça, ou? Et toc, par exemple, le toc, c'est les gens qui parlent que c'est toujours en train de tout nettoyer, c'est tout laver. Ah oui, il y a quelqu'un qui est venu dans mon satsang qui m'a parlé qu'il y avait cette condition. C'est un psychiatre et puis il me demandait quoi faire avec ça. Oui, je connais ça. Le fait de revenir au corps, c'est un peu le toc. C'est le toc. Pareil. Comme une maladie qui se répète tout le temps. On a tellement investi dans le corps, toute notre vie, le mettre beau, être attentionné, de vouloir que les gens nous trouvent beau. C'est beaucoup, beaucoup d'attention là-dessus. Donc, ça, j'en parle aussi de l'attachement à l'apparence physique parce que pour moi, c'est quelque chose aussi que ça a été partie de mon expérience. Puis encore, il y a des résiduels de ça, je veux dire. Mais faut juste pratiquer puis de voir comment cette expérience-là du corps, à travers la pratique, comment ça se présente. C'est quoi la différence? À travers la pratique, on peut voir l'expérience du corps est différente. Ce n'est qu'une expérience. Là, on voit, okay, qu'est-ce que l'expérience? Est-ce que ce qui perçoit le corps, est-ce que c'est limité au corps? Est-ce que quand il se passe quelque chose avec le corps, est-ce que si on me coupe la main, est-ce que je suis moins moi? Si je prends du poids, est-ce que je suis plus la conscience, est-ce qu'elle est plus grasse? Non, je suis le même tout le temps. Même s'il y a une journée où j'ai les cheveux un petit peu déplacés, est-ce que je suis le soi, il est moins beau? Ah, c'est pas mal. Pas mal. Mais ça reste des habitudes. On n'a pas besoin de « Ah, mais là, je me regarde dans le miroir, c'est de la compulsion. » Puis là, tu brises le miroir, tu l'enlèves. Ça, c'est ça que les moines y font. Non, non, non, non. Tu peux l'intégrer. Tu regardes dans le miroir. Tu regardes « Ah, oh, ben là, j'ai quelque chose ici. » Puis là, tu vois ce réflexe-là. OK, qu'est-ce qui perçoit ça? Ah, ben oui, tout ça, c'est automatique. Là, tu remarques de plus en plus que t'es animé, c'est que des conditionnements. Tout ça, c'est du conditionnement, mais Et les coupures. Là, tu m'entends, mais là, j'ai les coupures. ça coupe. Hein? Est-ce que je suis de retour? Et les coupures. Ah. Tu m'as entendu? Tu Et les m'entends? coupures. Ah, Là, c'est bon. c'est bon. Donc, c'est d'utiliser les conditionnements, donc l'intérêt pour le corps, nos connaissances, nos habitudes, pour contempler ce qui perçoit toutes ces habitudes-là. Puis plus qu'on donne l'attention à ce qui est au-delà du conditionnement, au-delà des habitudes, plus qu'on va voir à quel point tout est conditionné. Mais quand on n'a plus de relation avec le conditionné, puis qu'on voit qu'on est ce qui est sans condition, ça n'a plus d'importance comment les choses se déploient en soi, parce que c'est vu que ce n'est que des nuages et on est le ciel. J'ai pas compris l'affaire. On voit que c'est que des nuages et après, excusez-moi, il y a une coupure. Nous, on est le ciel. Ah. Ça coupe encore? Je vais te rappeler, tu m'entends? Je t'entends, oui, mais tu sembles pas Il y a des m'entendre. voix. Oui, il y a des coupures. C'est l'Internet de l'Inde, c'est pas la fiabilité de l'Europe. Comme des nuages. Les nuages, c'est le conditionnement de la personne, toutes les habitudes. Puis moi, je dis, la personne est 100% du conditionné. Et quand on s'éveille, l'image, le rêve est tout autant là, mais il n'y a juste plus d'implication. Donc, c'est vu en fait, quand il y a éveil, c'est vu avec encore plus de clarté à quel point tout est conditionné. Tout est conditionné, sauf que je ne suis pas ça. Donc, ça renvoie à cette, à la notion d'absence de libre arbitre, en fait. Le quoi? L'absence de libre arbitre, oui. Oui. Il y a pas, pour moi, je dis pas, il y a un soi profond qui fait les bons choix, qui va faire même l'investigation de soi. Je dis pas que c'est un soi plus vrai. Non, c'est l'identité qui fait l'investigation et à travers l'investigation, le rêve, il y a l'éveil que cela n'est qu'un rêve. Et puis là, après ça n'a pas d'importance qu'est-ce qui se passe dans le rêve. Donc, tout est prédestiné, il y en a que ça va être comme Ramana, il y en a d'autres qui vont continuer leur profession. Mais naturellement, quand c'est vu que tout est conditionné, habituellement, il y a des changements qui sont dans le rêve. Parce que dans le rêve avant, quand c'était pas vu que c'était un rêve, il y avait plein de motivations qui venaient de l'implication dans le personnage dans le rêve. Mais quand avec l'éveil, ça peut changer bien des trucs. Mais on ne sait pas exactement. C'est pas, pour moi, une des signes que je dis qui me permettent de voir si quelqu'un voit ça profondément, c'est le détachement. C'est le détachement. Robert était extrêmement détaché. Les gens disaient qu'il avait l'air d'être d'une autre planète. Il avait très peu d'émotions. Je sais pas si tu as déjà vu ses photos, mais il était pas comme Moji puis plein de chaleur, où il était juste neutre. Il a jamais été fâché. Il parlait à peine quand il y avait ses rencontres. Et après ça, il allait dans des repas et tout le monde parlait entre eux, socialisait. Et lui, il parlait pratiquement pas. Il était juste, il était vide. Et pour moi, ça, c'est une des choses qui me permet de distinguer ça. Pas la chaleur, pas la joie. Pour moi, ça, c'est des choses qui viennent, mais éventuellement, ça aussi, il y a l'identification à ces choses-là. C'est plus un calme absolu. L'absence d'implication dans les circonstances de la vie. Je pense que le secret de tel ou tel enseignant, il n'est pas forcément d'explorer les mêmes strates et de manifester les mêmes choses. Je pense que l'essai de Ramana, c'est de donner vraiment quelque chose de très, très pur et très, très pur, très dégagé, où tout était vraiment brûlé. C'est vraiment le thème très, très spécifique de la Ramana, vraiment spécifique. Et il y a des enseignants, si tu veux, comme tu disais, tu prends des exemples tout à l'heure, qui sont très dans le côté chaleureux, dans tout ça, etc. Peut-être moins dépouillés, mais ça va permettre peut-être à des chercheurs d'être séduits, entre guillemets. Ils ne seraient peut-être pas séduits par quelque chose de plus dépouillé. Mais par contre, ça peut être un piège. Ça peut être un piège où on peut se perdre longtemps dans l'apparence de la chaleur, du truc, machin. Ça peut être piégeant. Ça peut être piégeant, ça. Voilà, moi je guide ma conjointe, puis elle était énormément dans la chaleur, et puis elle était aussi une chercheuse, et puis elle a dû faire face à énormément d'inconfort par la réalisation que cette chaleur-là n'est qu'une illusion. Et puis au début, elle était même pas ouverte à ce que je partageais, et puis quand elle me demandait de la supporter, je lui disais non, parce que je voyais aucune ouverture. Parce que pour moi, je remets en question même la chaleur, tout. Et puis c'est pas nécessairement tout le temps agréable. C'est la mort de l'identité, ce dont je parle. C'est pas tout le temps confortable, mais ça mène au contentement, au réel contentement. Parce que même si t'as des belles expériences de chaleur et tout ça, essaie de le maintenir tout le temps. Pas possible. Ben moi, en tout cas, dans mon cas, ça ne l'était pas. Et puis, je vois que ceux qui sont beaucoup dans la chaleur, dans la joie du satsang, ils continuent à chercher. La recherche n'est pas terminée. Ils sont toujours en recherche. Puis, ils peuvent être autour d'un enseignant pendant 10 ans, 20 ans et plus. Moi, ce que je parle, il y en a qui le font à fond, puis en 2, 3 ans, si c'est fait de façon intense, tout dépendant de la maturité et des choses, ça peut être intégré complètement. L'Isigata-Maratchi s'est réalisé en 3 ans, en fait. Voilà, pour moi, c'est un exemple, puis j'ai l'exemple de quelqu'un d'autre aussi en 3 ans, qui est quelqu'un qui est maintenant vivant, qui a un site web, mais c'est en anglais, qui lui aussi dit en 3 ans l'avoir fait, et lui, il méditait 12 heures par jour. Mais pour moi, ça a pris plus longtemps que ça, mais j'ai pas eu besoin de m'isoler complètement. Ça s'est fait à travers une vie régulière, peut-être pas si régulière qu'on conventionnelle, mais pour moi, je trouve que ça, c'est très. Les gens, je leur dis pas, vous avez besoin de quitter votre travail, vous avez besoin de méditer 12 heures par jour. Mais si vous avez l'aspiration à le faire, faites-le. Parce que plus que vous allez vous consacrer à ça, c'est comme toute notre vie, le conditionnement à l'extérieur. Plus vite qu'on revient vers ça, puis qu'on y va intensément, plus que ça va, à un moment donné, ça va coller. C'est la grâce, on ne sait pas selon nous, mais si, tu vois, Srinivasagata, il a entendu ça, je suis le soi, et puis il est revenu chez lui, au-dessus de sa maison, il y avait une salle de méditation, puis il faisait ça, je ne sais pas combien d'heures par jour. Il focusait complètement là-dessus, mais pour moi, le focus n'était pas complet, puis je continuais à être impliqué plus dans ma vie, mais en même temps, c'était la destinée de Srinivasagata, c'était ma destinée à moi. J'ai un de mes amis qui est enseignant, c'est un disciple mais tu la connais peut-être parce que j'ai vu sur ton Facebook, tu l'as mis en vidéo, Ganga. Gangaji? Alors, pas Gangaji l'américaine, Ganga, la compagne, la disciple de Punja. Ah, elle est au Portugal. Oui. Ah, ben j'ai jamais vu ses satsangs, mais je sais que c'est une enseignante. J'en connais pas plus. J'en connais pas plus. Un de mes amis, que j'ai d'ailleurs fait venir à Angoulême, enfin, même un couple, mais pas un couple, mais bon, je suis un petit peu plus proche de lui que d'elle. C'est devenu des amis, vraiment, on est vraiment amis. Et un de ses disciples proches, proches même, sont. Et je ne vais pas dire si quelqu'un, en tout cas, pour moi, il est fort possible qu'il soit éveillé, voire réalisé. Enfin, réalisé, en tout cas, il y a quelque chose, c'est évident, c'est clair. Lui, quand il a rencontré son maître, en 3 ans, 4 ans, ça a été C'était balayé. Et par contre, pour lui, c'est vrai que pour lui, c'était vaincre ou mourir. À un moment, c'était vaincre ou mourir. Il y a cette intensité-là, ce feu-là, tout son temps de libre, il était consacré, alors qu'il est père de famille, hein, tout son temps de libre, c'était consacré à la pratique, à l'investigation, mais. Ben moi, c'en est venu à ça, mais ça a été, je veux dire, quand la stabilisation en soi s'est faite, j'étais dans une période où c'était vraiment comme ça, mais ça l'a progressé avec le temps, hein. Ça l'a progressé avec le temps, pour en venir jusqu'à temps que l'intérêt pour ça était unanime. Tout le reste, même s'il y avait d'autres choses qui étaient faites, mais c'était comme le focus restait constamment là-dessus. Mais l'enseignant qui était le plus éclairé, c'est Moji, ou Fador de Ramana, évidemment, mais c'est qui l'enseignant vivant qui était le plus éclairé, entre guillemets, c'est Moji, ou qui dirait que c'est. Oui, c'est Muji parce que il y avait beaucoup ses vidéos, puis j'ai suivi beaucoup Muji, mais maintenant je m'associe plus à lui. Je partage que ça a été l'enseignant le plus qui a eu le plus d'influence sur moi, mais maintenant pour moi Ramana est l'exemple pour moi. Puis je remets en question des trucs que je vois par rapport à Muji parce que je vois beaucoup de dévotion autour de lui. Les gens prennent des noms, ça s'habille en blanc. Je suis allé dans son ashram, puis j'ai vu que les gens l'idolâtrisent. Et puis, il n'y a rien, il n'y a aucune mise en garde qui est faite. Puis, j'ai entendu des histoires. Puis, moi-même, mon expérience là-bas, ça n'a pas été super parce que je remettais en question des trucs. Et puis, ça n'a pas été bien reçu. Puis, je vois que je n'ai pas l'approbation de la communauté là-bas. Donc, je me suis dissocié complètement. J'utilise. Des façons similaires de parler de trucs, mais je distingue certaines choses que pour moi, ils sont questionnables. Au début, c'était pas évident parce que j'étais tellement reconnaissant, puis j'avais tellement d'amour pour lui. Je dis pas que j'ai toujours beaucoup d'amour pour lui, sauf qu'il y a des questionnements qui sont venus, puis c'était pas évident parce que, il y avait des croyances par rapport à quand t'as un maître, que c'est des remises en question comme ça n'a pas sa place, mais non, tout a sa place. Pour moi, même je voyais que Robert Adams, il restait éloigné de mettre des doutes par rapport à d'autres enseignements. Mais pour moi, même ça, j'ai pas besoin de rester éloigné de quoi que ce soit. Je veux dire, si les gens n'aiment pas ça, que j'entende puis que je partage les questionnements. Pour moi, je suis confortable parce que les gens viennent me questionner même en satsang. Pour moi, c'est une bonne opportunité d'avoir cette conversation-là. Premièrement, pourquoi les gens viennent s'ils questionnent? Je veux dire, j'ai pas, moi, je veux pas convaincre qui que ce soit. J'ai rien. J'ai un peu de mal avec le côté mise en scène de Moji. Voilà, Mal, beaucoup de mal, beaucoup de mal. la façon qu'il s'habille, tout ça, je veux dire, je pense que c'est pas fait pour ça, c'est son style à lui, mais Oui, c'est sûr. ça attire beaucoup ce genre de monde-là autour de lui, la dévotion, je veux dire, moi-même, s'il y a quelqu'un qui était souffrant, qui sait, ça se peut que je lui donnerais un câlin. Et puis, il y a beaucoup de charisme et les gens aiment être en sa présence. Et puis, ça devient pour moi, éventuellement, ça devient des fois de brasser les gens. Je trouve que ça fonctionne plus, d'après mon expérience de partage, ça fonctionne plus que d'être doux. Oui. Il est tellement patient avec les gens. Moi, j'ai pas besoin d'être patient. J'ai pas besoin d'être patient. Quand je vois que ça mène nulle part, je dis, ça mène nulle part. Je veux dire, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu viens dans cette rencontre-ci? Est-ce que t'es ouvert? Sinon, il y a plein d'autres enseignants. Tu peux aller dans une autre dans une autre approche qui te convient. Parce qu'il faut qu'il y ait compatibilité. Il y a des gens qui sont venus vers moi puis ils voulaient du sport. Puis j'ai dit, écoute, tu arrives 10 minutes en retard, tu arrives à la rencontre, tu commences à prendre des photos, t'es pas sérieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour moi, je veux dire, je suis disponible pour supporter quelqu'un, mais si tu veux pas te supporter toi-même, ça va nulle part. Et il y en a qui viennent à mes rencontres et qui pratiquent pas. Je leur dis, ici, je vais peut-être changer sur mes posters, commencer. Je vais mettre atelier sur la pratique, atelier de pratique sur l'investigation de soi. Si tu viens ici et que tu pratiques pas, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis pas ici pour te divertir. Si tu es diverti, c'est correct. Ta place, tu as le droit d'être là. Mais si tu me reviens tout le temps avec les questions superficielles qu'on ne va pas en profondeur, pour moi, j'ai pas envie de ça. Je suis clair avec ça. Mais les gens ont des idées qu'un enseignant, il devrait pas choisir. Puis moi, j'ai vu ça avec plusieurs enseignants. Même Moody, il disait qu'il aimerait ça faire une retraite, qu'il sélectionnerait qui seraient les participants. Mais là, avec mon expérience de supporter les gens, je vois de plus en plus que oui, si les gens commencent à me connaître plus, il y a une quantité de monde qui viennent, je pourrais faire ça. Dans le temps, l'Advaita, ils sélectionnaient les élèves selon leur capacité de discernement spirituel et leurs habiletés, parce que. Mais, anyway, je pense que ça peut être aussi de l'ignorance, mais je comprends de plus en plus. Je comprends de plus en plus comment plusieurs enseignants peuvent avoir cette envie-là de travailler avec des gens sérieux. Dans le Zen traditionnel, il sélectionne quand même. Quand tu rentres bien, il sélectionne énormément. Voilà, Parce que déjà. moi je suis prêt à donner la chance à tous, mais si je vois que si je vois que ça mène nulle part, je le communique, puis la personne, ça peut des fois créer de l'inconfort quand je lui dis, ben, regarde, ça fonctionne pas. Puis des fois, cet inconfort-là, ça lui donne la motivation c'est pas d'être trop doux, ah, je comprends, t'as pas de motivation. Des fois, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Puis ça, des fois, une gifle, là, ça réveille même plus qu'un massage. Un massage, tu t'endors. C'est une gifle qui vient pas de tu fais quelque chose de mal. C'est juste, moi, je partage, c'est quoi? Comment mon support fonctionne, comment j'ai envie de le faire. C'est pas à propos que si t'es pas prêt à faire ce que je demande, t'es pas bien, t'es pas bon, c'est pas ça. C'est juste que pour moi, selon mon point de vue, si ça, y a pas si on n'est pas prêt à faire ça va aller nulle part. Donc, trouve-toi un autre enseignant qui porte pas tant d'emphase sur la pratique. Pour moi, je parle constamment de ça et de plus que ça va, plus que je mets l'emphase là-dessus. Si t'es pas prêt à pratiquer, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, Swami Lamala, il parlait bien de la pratique presque à chaque instant, hein. Et voilà, il s'est fait dire par Ramana. Ça faisait longtemps qu'il était autour de Ramana, puis il s'impliquait beaucoup dans l'organisation du ashram, d'aller pratiquer pendant 10 ans quelque chose. Je suis pas sûr de l'histoire exacte là. Mais il s'est fait dire d'aller pratiquer puis de prendre une main, de s'isoler pour aller faire l'investigation de soi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec ça. Mais t'as pas besoin de t'isoler, mais ça, c'est ce qui. T'as pas besoin de t'isoler, tu peux le faire. Comme ton ami, il l'a fait dans ses responsabilités et tout. Fait que c'est une preuve que c'est possible. Ça peut être plus difficile, mais c'est possible. Mais l'affaire, c'est qu'il y en a qui qui s'attachent au silence et qu'ils vont aller dans une grotte, puis là, ils sont bien là-dedans, puis là, s'ils reviennent dans la ville, parce qu'ils ont besoin d'aller en ville, ils sont complètement perturbés. Donc, pour moi, ça, c'est pas la liberté. La liberté, c'est pas limité à un lieu. Disons, lui, son histoire à lui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez intéressant, c'est que, avant de rencontrer son maître, avant de rencontrer son maître, avant de rencontrer Ganga, il avait atteint un espace de silence, de vide. Mais il s'est trouvé, il s'est senti, il a vu que c'était pas ça, vide là, il a vu que c'était pas ça. Il y avait encore une frustration, tu vois. Donc, il est allé voir son maître, il l'a rencontré à ce niveau-là, quand il était déjà dans ce vide-là, si tu veux. En comprenant que c'était pas l'éveil, que c'était, Jean Clément parle d'ailleurs de cet état de vide-là, qui n'est pas la réalisation, qui est, je sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire. C'est un vide qui devient un objet. Il y a toujours la dualité que le vide est personnel et c'est comme ton vide. Il y a toujours une relation avec le vide. Voilà. C'est pour Il ça. a vécu. Je t'en prie. Non, mais c'est pour ça que moi, je dis, c'est pour ça souvent les gens, quand on fait l'investigation ensemble, ils en viennent à ça, puis je leur dis, OK, qu'est-ce qu'ils perçoivent ça? Il faut continuer à poser des questions. Parce que ce vide-là peut être très calme et agréable, et puis le questionnement cesse parce que, y a, tu sais, on pense qu'on y est arrivé. Mais si encore, y a cette idée-là qu'on y est arrivé est encore là, pour moi, c'est juste clair que c'est toujours pas ça. Et d'ailleurs, son maître a dit, quand tu tombes dans ça, quand tu plonges dans ce vide-là, ça se faisait après naturellement. Fais n'importe quoi, mais fuis-le. Fallait vraiment qu'il fuit ça. Fallait qu'il le fuit, tu Qui le quoi? vois. Qu'il fuit ce vide. Ce vide-là. Quand ça veut. Fallait qu'Évite lui donner de l'attention. Ouais, il fallait qu'il fasse autre chose. Carrément qu'il le. Ça le prenait sans qu'il le veuille, si tu veux, finalement, c'était devenu une seconde nature. Il fallait vraiment qu'il. Pour voir. Et qu'il reste avec qui suis-je. Et qu'il reste avec qui suis-je. Ben oui, ces expériences spirituelles-là, ça peut devenir quelque chose, vu qu'on y passe plusieurs années. Je parlais avec quelqu'un qui venait en cette sangle de Gurdjieff, qui est dans le témoin, qui observe toutes ces choses, mais elle souffre beaucoup. Mais c'est ça, je lui ai dit, mais là, tu es toujours l'observatrice, il faut que tu observes l'observatrice, parce que tout aussi longtemps que tu observes ce qui se passe en toi, tu maintiens toi. Oui, Tu maintiens le ça toi qui observe ce qui est en toi. Fait faut aller à la prochaine étape. Qu'est-ce qui perçoit? Qu'est-ce qui observe? c'est typiquement le piège des gens qui ont travaillé l'enseignement du Gurdjieff. Comme il y a vraiment l'observateur, l'observation poussée, très très poussée, extrêmement poussée. Mais comme on ne parle pas du soi et comme il n'y a pas d'autres clés qui sont données, il y a l'observateur et ça peut créer d'énormes souffrances. Il y a des gens autour du concept qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Ah oh oui, cette femme-là, elle dit qu'elle est sa propre tyran, elle est prise dans le contrôle énorme. Elle est très, très bonne à observer, mais elle souffre tout autant. Donc, même plus, elle disait qu'elle a de la misère à vivre avec elle-même. Il va peut-être la grâce, malgré tout, la grâce du maître ou du guide. Comme Gurdjieff n'est plus là, l'échange peut permettre de passer à autre chose. On va appeler ça la grâce ou autre, mais c'est comme de se pencher sur autre chose. Pas Effectivement. sur l'observation mécanique, pas sur l'observation mécanique. Ouais, il y a Pour moi, je vois que dans mon cheminement, beaucoup d'approches ont été une évolution pour éventuellement me permettre de découvrir l'enseignement de cet enseignement-ci. Qu'est-ce que tu me suggères? Parce que j'ai travaillé justement, je sais, est-ce que la présence est là? J'essaie de le faire régulièrement. Elle était là ou pas là? Et à ce moment-là, je voyais que l'on était vraiment à l'extérieur. Le quoi était à l'extérieur? Que mon regard était à l'extérieur. Que mon regard était à l'extérieur. Tu as une indication à me donner ou pas? Est-ce que t'as l'appel en toi pour là t'as remarqué que t'as l'extérieur de toi, mais de augmenter de plus en plus le temps que tu passes dans le soi, dans la présence plutôt que dans le regard extérieur. Est-ce que t'as l'appel vers ça? Oui. Donc c'est de l'intégrer de plus en plus selon tes capacités et ton intérêt. Et puis, selon ta pratique, si tu vois qu'il y a des obstacles, pour moi, j'avais juste tu peux faire un journal ou quelque chose de voir de quotidien, puis voir qu'est-ce qui semble être dans le chemin. Puis tu veux, après ça, tu peux partager c'est quoi tes obstacles, puis on peut voir selon ce que tu vois qui est un obstacle, qu'est-ce que je pourrais, on pourrait voir si c'est vraiment un obstacle ou qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. Parce que c'est plus par rapport à des questionnements par rapport à la pratique que je pourrais essayer de supporter, mais sinon par rapport à quoi faire, c'est juste de faire ce que tu as déjà fait, de continuer. Puis là, tu pourrais, la prochaine fois, si tu qu'on se parle, un jour, si ça te parle, un journal de pratique à la fin de la journée. Ah, aujourd'hui, j'ai remarqué ces choses-là, mon attention valait beaucoup là-dessus, ou il y avait cette expérience-là, mais j'ai un doute, ou des trucs comme ça, tu peux voir s'il y a des choses qui. De faire un journal, ça permet de voir l'évolution, puis de porter ton intérêt sur ton propre cheminement. Fait que c'est une idée que j'ai comme ça. J'ai déjà un carnet hein, sur lequel je marque les observations, ce que je constate, etc. J'ai déjà un carnet lequel je fais des choses. Maintenant, je Mais vais avoir sinon, un carnet. continue à pratiquer et puis si tu as des obstacles ou tu as besoin d'inspiration, parce que pour moi, c'est entre autres c'est nos partages, ça peut être une source d'inspiration. Pour moi, d'être en présence, d'écouter les enseignements de Muji, ça permet peut-être de faire des éclaircissements et c'était beaucoup de m'inspirer parce que pour moi, c'était une source d'inspiration de voir ce qui projetait, ce qui émanait, je pouvais reconnaître ça en moi, mais je voyais que je me faisais prendre beaucoup, puis ça m'inspirait d'aller à fond dans ce processus-là. Donc, je t'encourage fortement et à pratiquer le plus que tu peux. Et puis, s'il y a des obstacles, tu peux les marquer, puis la prochaine fois, on va se parler, on peut les regarder ensemble. Puis j'aurai les vidéos que tu as faites aussi, les vidéos que tu as faites. Bien sûr. Ouais, ça se peut qu'il y en ait d'autres en français. J'ai l'enregistrement audio que je suis en train de faire de nous. Si jamais tu le veux, je peux te l'envoyer. Ou si tu es confortable, je peux le mettre sur mon site web, à moins que tu préfères que ça soit. Hein? Faut pas que ça reste l'enregistrement, faut pas que ça reste entre nous. Non, mais si tu veux que ce soit juste entre nous, je peux juste t'envoyer le lien. Sinon, Oui, j'aime bien. est-ce que tu es confortable aussi à ce que ce soit accessible pour d'autres? Non, OK. Fait qu'on va Alors, garder ça. honnêtement, non. Bon. OK, il n'y a Je pas. préfère pas. Ça, tu m'entends. Hein? Je préfère que ça reste entre nous. OK, c'est bon, ça va rester entre nous. Ouais, je préfère que ça reste. Tu veux bien, ça ne dérange pas. Non, il n'y a pas de problème. Pour moi, je l'enregistrerai au cas où que tu sois confortable, mais je respecte ton besoin de vouloir garder ça entre nous, puis je le rendrai pas accessible. Ça me rend plus libre de parler si je sais que c'est pas écouté, parce qu'à ce moment-là, quand tu livres des choses un petit peu personnelles, quand tu parles, Mais hein. Tu vois je comprends ça, puis pour moi, c'est plus important que tu te sentes confortable dans nos échanges, que de toute façon, j'ai beaucoup de contenu déjà accessible, fait que c'est correct. Je ouais. Non. n'enregistrerai plus. Voilà. Par contre, si tu veux me l'envoyer pour que je le réécoute, je veux bien. OK, oui, je vais le mettre sur le site, puis après ça, une fois que tu l'auras téléchargé, tu me le dis, puis je pourrai l'enlever parce que sinon, je pense que sinon, il y en a qui pourraient quand même le trouver s'ils vont sur le site. Mais je pourrais le mettre, oui. Mais je vais trouver. À quel endroit je vais trouver du site? Hein? À quel endroit du site je vais le trouver? Je vais t'envoyer le lien direct parce que ce ne sera pas sur mon site web, c'est sur un site sur lequel j'ai toutes mes audios. Je vais le mettre là, D'accord. tu le télécharges, puis après ça, je l'enlèverai comme ça. Seulement toi, il y aura accès. D'accord. Alors, je suis pas très habile pour télécharger. J'espère que je vais réussir à le faire. Il y a des fois des choses qui passent pas. Non, tu peux l'écouter en continu. Tu peux l'écouter en continu, tu n'as pas besoin de le télécharger. D'accord, d'accord, ok. Pas besoin de télécharger. Hein. Tu peux le télécharger ou tu peux l'écouter en diffusion continue, direct. D'accord. Il aura marqué Fabrice ou non? Oui, je vais t'envoyer le lien et puis tu pourras l'écouter. Puis une fois que tu as terminé, tu pourras me dire, comme ça je l'enlèverai. Parce que sinon, il y en a d'autres avec le temps qui pourraient le trouver. Mais ça me surprendrait que les gens le trouvent parce qu'habituellement, tous les liens, je les mets sur mon site web. Puis ce lien-là, je vais juste te le donner à toi. D'accord, ok. Ok. Merci. N'y a pas de quoi. Je t'ai envoyé un peu de sous, je sais pas si tu as vu. Oui, merci, merci, ça m'aide. Pas beaucoup. Ouais. Ben, si on passe, en tout cas, tu veux venir sur Angoulême, tu es le bienvenu. Ben, si jamais il y a l'intérêt de Français de faire d'organiser quelque chose, je suis ouvert, mais sinon je voyage pas trop, Oui, je suis plus casanier, bien. puis mais on verra, pour moi ces partages-là, c'est j'aime bien, donc on verra comment les choses évoluent. Ben pour, ben très bien, je veux dire que c'est beaucoup de chance de pouvoir discuter comme ça. Ben c'est une chance. Ce qui me dit qu'à un moment, tu seras sûrement connu, il y aura beaucoup de monde, et que là, ça devient beaucoup moins accessible. Ouais, ben, je vois que Moji n'acceptait plus des entretiens individuels, c'est tout le temps avec des groupes. Donc, ben, je penserais pas. Comme tu vois, comment tu as dit, je suis un peu catégorique. C'est quoi le terme que tu as dit au début que tu écoutais la vidéo avec mon ami puis tu disais que j'étais radical? Ça me surprendrait, ça me surprendrait que je devienne si connu que ça. J'ai l'impression que cette opportunité d'interaction plus intime va rester. Puis pour moi, ces échanges plus intimes-là, je les apprécie. Et puis, qui sait comment ça va évoluer. Mais pour moi, mon focus, c'est sur ce qui n'évolue pas. Sur qui? Sur ce qui n'évolue pas. La Oui. conscience, il n'y a pas des niveaux de conscience. Pour moi, c'est le soi n'a pas de niveau. Ce qui évolue, c'est dans l'apparence. Mais moi, je ne change pas. Et puis, toi non plus. Toi non plus. Donc, bonne pratique, et puis tu me laisses savoir la prochaine fois. Oui, ok. Merci beaucoup. Salut.